C'est le moment de la bonne nouvelle du jour. Et quelle est cette bonne nouvelle ? Cette bonne nouvelle, c'est qu'il n'y en a pas. Yes, super, on passe donc à la suite. Le mot magique. Le mot magique, le mot du jour, très chers et chères, c'est la cupule. Mais, qu'est-ce qu'une cupule ? Qu'est-ce que c'est la cupule ? Mais oui, très très bonne question. La cupule, c'est un petit élément en forme de coupe, de petite coupe, que l'on connaît plus habituellement sous le doux nom de chapeau du gland. Voilà, c'est en fait les glands de chêne qui possèdent ce petit chapeau, ce petit béret sur la tête. Et donc, c'est ce petit béret qui s'appelle une cupule. Les cupules sont très utiles pour apprendre à siffler, pour celles qui ne savent pas siffler simplement avec leurs doigts. Vous pouvez utiliser une cupule pour apprendre à siffler.